Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes rendus au dernier texte de la parole de Dieu par rapport à l'épître de Jean. Et nous allons encore une fois être encouragés par la vérité qui nous est donnée ici ce matin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, dans ta souveraineté, tu as choisi des hommes et des femmes. Tu as marqué leur nom dans le livre de vie. Et au courant de l'histoire de l'humanité, tu les as appelés, tu les as justifiés, tu les as régénérés, tu les as sanctifiés et tu les as aussi glorifiés. C'est ton plan, c'est ta volonté et c'est pour ça que nous te donnons toute la gloire. Et ce matin, nous te demandons que tu nous diriges dans ces derniers versets de l'épître de Jean. Conduis-nous, conduis-nous, parce que nous voulons connaître ta volonté, afin de pouvoir prier selon ta volonté, comme on a vu hier. Que ton esprit puisse nous conduire dans la compréhension de ce texte. Amen. Nous allons lire le texte à partir du verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, ce matin, nous allons voir la vérité que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, ou on pourrait dire nous sommes dans la vérité, ce serait la même chose, mais on va prendre le nom du texte, nous sommes dans le véritable. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que nous sommes dans le véritable? Premièrement, parce que nous ne pratiquons pas le péché, selon le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc le premier mot qu'on va s'arrêter, c'est quiconque. Ça veut dire que toute personne qui est née de Dieu, toute personne qui est un enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Et dans le contexte, je suis obligé de croire qu'il parle des quelques versets un peu plus haut. Il ne pratique pas le péché qui mène à la mort. Il a dit dans les versets un peu plus haut que tu peux prier pour un frère qui commet le péché qui mène pas à la mort. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Mais il dit, tu ne peux pas pratiquer, prier pour un frère qui a pratiqué le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas un frère, cela. Tu ne peux pas prier pour un frère qui a fait un péché qui mène à la mort. Parce que ce n'est pas un frère. Ce péché-là qui mène à la mort, il a renié Dieu, il a renié Christ. Il ne croit pas en Jésus comme étant le Christ, le Fils de Dieu. C'est un antéchrist, c'est un infidèle, c'est un incroyant. Il dit-tu, ici, il dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché qui mène à la mort. Le texte ne parle pas ici que les chrétiens ne pratiquent pas le péché dans le sens qu'ils commettent régulièrement des péchés. Si on est honnête avec nous-mêmes, frères et sœurs, nous savons très bien que nous pratiquons le péché, nous en faisons tous les jours des péchés. Et ça fait 35 ans presque que je suis chrétien et j'en ai fait depuis 35 ans. Mais dans le texte ici, il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché qui mène à la mort. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Dépendamment de la Bible que vous utilisez, ce petit bout-là est traduit différemment. Il a dit, qui traduisent que celui qui est né de Dieu est gardé par Jésus, par lui-même, par Jésus. Peu importe comment votre Bible le traduit ici, c'est que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, mais on sait bien qu'on ne se garde pas nous-mêmes par la force naturelle que nous avons, mais on se garde nous-mêmes par celui qui est en nous, par celui qui nous a donné la vie éternelle, par celui qui est la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Donc, si vous êtes né de Dieu, Jésus-Christ est en vous, l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez la vie éternelle en vous, vous avez le témoignage de Dieu en vous, donc vous vous gardez. Vous vous gardez par celui qui est en vous. Celui qui est né de Dieu se garde. Se garde de quoi? De commettre le péché qui mène à la mort. Il dit, le malin ne le touche pas. Le malin, ici, ça ne veut pas dire qu'il ne le tentera pas. Mais il ne le touche pas, je crois que ça veut dire qu'il ne lui donne pas la mort. Il dit, il ne commet pas le péché qui mène à la mort. Donc, le malin ne peut pas l'amener à commettre le péché qui mène à la mort. Il ne peut pas l'amener à la mort. Parce que la vie est en lui. La vie éternelle est en lui. Christ est en lui. Je crois que c'est ça qui fait le plus de sens dans l'ensemble du texte de l'Épître de Jean. Celui qui est né de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, ne commet pas le péché qui mène à la mort. Il se garde lui-même par la vie éternelle qui est en lui, qui est Jésus-Christ, ou on peut traduire qu'elle est gardée par Jésus-Christ qui est en lui, et le malin ne peut pas le toucher, ne peut pas lui donner la mort. Tant que je suis en Christ, je suis dans la vie. J'ai la vie éternelle. Il dit au verset 19, nous savons que nous sommes en Dieu et que le monde entier est la puissance du malin. C'est pour ça que nous sommes dans le véritable. Parce que nous sommes en Dieu. Nous sommes de Dieu. Le monde, lui, est du malin. Il est sous la puissance du malin. Il est sous la mort. Il est dans les ténèbres. Il n'y a pas la vie en lui, le monde. Nous sommes dans le véritable parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous ne faisons plus partie de ce monde-là qui est sous la puissance du malin. Paul le dit différemment dans Éphésiens. Nous étions, il dit, sous la puissance du malin. Nous marchions selon le prince de ce monde. Nous étions des enfants de la colère. Mais maintenant, nous sommes en Dieu. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous avons été sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable parce que nous ne sommes plus sous la puissance du malin. Nous sommes dans la vie. Nous sommes en Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et une troisième chose qui nous est dit dans le texte, nous sommes dans le véritable parce qu'il nous a donné l'intelligence. Dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, en Jésus, nous sommes dans le véritable. Nous avons l'intelligence de comprendre ou de connaître le véritable. Et là, il dit une grande vérité, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie et la vie éternelle. Ici, il y en a des Bibles qui traduisent, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et je crois que c'est la bonne traduction, le « lui » ici représente Jésus. Et c'est dans l'Épître de Jean, c'est « la vie éternelle est en lui ». C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Comment est-ce que nous sommes dans le Dieu véritable? C'est parce que Jésus nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous ne pourrons jamais nous vanter auprès des inconvertis que si nous comprenons la vérité, c'est parce que nous sommes plus intelligents que les autres. C'est pas par une intelligence intellectuelle que nous comprenons, que nous connaissons la vérité ou la véritable, que nous sommes en Dieu. C'est par une intelligence qui nous est donnée, une intelligence spirituelle qui nous est donnée par Jésus, par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous avons cette capacité de comprendre que Jésus, c'est le Dieu véritable. Tout est par grâce. Toute la vie chrétienne est par grâce. Nous ne pouvons pas penser que nous pouvons acquérir quelque chose par notre capacité. Tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne était en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu habiter en nous. Tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne est en Jésus-Christ et nous l'avons en nous. Tous les enfants de Dieu ont reçu le même Jésus, le même personnage, la même puissance, la même vérité, la même vie éternelle. Il n'y a pas de chouchou en Dieu. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes meilleurs ou mieux que d'autres chrétiens à cause que nous vivons notre vie chrétienne différemment. Nous avons tous reçu de lui, tous les enfants de Dieu. Le « nous », comme j'ai dit hier, et nous sommes obligés, dans ce texte, le « nous » ici, c'est ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui sont de Dieu, c'est ceux qui sont qui ont l'intelligence, c'est ceux qui ont la vie éternelle. C'est tous les croyants. Pas certains bons croyants. Certains vrais croyants. Certains croyants qui sont des vrais disciples. Non, non, c'est tous les croyants. Et il dit ensuite au verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » J'ai pensé déjà que le mot « idole » ici, ça voulait dire de se garder des choses qui pourraient nous éloigner de Dieu. Comme Paul pourrait dire, la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie. Oui, il faut se garder de la cupidité. Mais dans le texte ici, de quoi parle-t-il? Je crois que la meilleure compréhension ici, c'est des faux Jésus. Gardez-vous d'avoir un Jésus qui n'est pas le vrai. Gardez-vous des Jésus qui ne sont pas le Jésus présenté par les apôtres, par les Écritures. Si vous adorez un Jésus qui n'est pas vraiment Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous adorez un Jésus qui est juste un ange, vous êtes un idolâtre. Si vous adorez un Jésus qui n'est pas venu en chair, vous êtes un idolâtre. Si vous adorez un Jésus qui n'est pas le Christ, vous êtes un idolâtre. Si vous adorez un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, vous êtes un idolâtre. Ce qu'il est en train de dire ici, il dit, il est certain que vous adorez le vrai Jésus. Qu'est-ce qui nous guette à nous aujourd'hui dans le monde évangélique? Avons-nous le vrai Jésus? Le monde évangélique croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le monde évangélique, en général, croit que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais y a-t-il une forme de Jésus qui ne serait pas le vrai Jésus? Moi, je vous encouragerais à examiner si on a le vrai Jésus dans le sens, est-ce qu'on a compris la vraie raison pourquoi Jésus est venu? Je perçois une espèce de danger. J'espère que je me trompe. Mais il me semble qu'il y a un danger dans le monde évangélique aujourd'hui que Jésus-Christ, on est en train de changer la raison pour laquelle il est venu. Ce que j'entends dans les chants chrétiens, ce que j'entends aujourd'hui dans les prières, ce que j'entends souvent dans les enseignements, ce que Jésus est venu pour moi. Il m'aime tellement qu'il est venu pour moi. Je ne crois pas qu'il est venu pour moi. Il est venu sur la terre pour son Père, pour la gloire de son Père. Il est venu, oui, me sauver, mais parce qu'il voulait avoir un peuple pour Dieu. Il est venu me sauver et pardonner mes péchés afin que je puisse servir Dieu. Parce que j'étais mort spirituellement, je ne pouvais pas servir Dieu. Même si j'avais voulu, je n'étais pas capable. Mais Jésus veut un peuple qui va glorifier Dieu, qui va louer Dieu, qui va servir Dieu, qui va adorer Dieu. Comme il a dit à la femme samaritaine, Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que j'entends, moi, c'est que Jésus est venu sur la terre, puis il m'a sauvé, il m'a pardonné mes péchés, j'ai la vie éternelle, je m'en vais au ciel, je mourrai plus, j'aurai plus de larmes, j'aurai plus de douleur, j'ai la paix dans mon cœur, j'ai le bonheur, j'ai la vraie joie. C'est toujours pour moi. Si on est capable de dire, il est venu me sauver. N'arrêtons pas là. Il est venu me sauver afin que je serve Dieu. Il est venu me sauver afin que j'aie la vie éternelle pour glorifier Dieu. J'étais pas la raison de sa venue. La raison de sa venue, c'est la gloire de Dieu qui avait été maltraitée par le péché de la race humaine. C'est pour ça que Dieu dit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, ce n'est pas par amour pour toi, Israël, que je viens te délivrer. C'est par amour pour mon nom. C'est ce qu'il va dire aussi à Daniel et à Ézéchiel. Vous avez sali mon nom aux yeux des nations. Et si je reviens et que je viens vous libérer et que je viens vous redonner le pays d'Israël, c'est pour que mon nom soit glorifié à nouveau. Quand Daniel prie, il dit, non pas pour nous, Seigneur, non pas pour nous, mais pour ta gloire, Seigneur. Je crois que c'est la raison. Il faut apprendre ça. Il faut arrêter de penser qu'il est toujours venu pour nous. Je crois que je me demande si on n'est pas en train de devenir des idolâtres, tout en disant qu'on croit en Jésus. Si on croit que Jésus, c'est pour moi qu'il est venu. C'est pour mon bonheur éternel qui est venu. Oh, parce qu'il est venu pour la gloire de son Père. Ça va faire mon bonheur éternel d'être avec lui dans le ciel et de le servir et de l'adorer pour l'éternité. Ça va faire mon bonheur. Parce que j'ai été créé pour servir Dieu. Donc, quand je le sers et que je l'adore, ça fait mon bonheur. Mais il n'est pas venu pour faire mon bonheur. C'est pas un Dieu serviteur que nous avons. Oui, il est devenu serviteur des hommes afin qu'on devienne ses enfants et qu'on puisse le servir. Il n'est pas devenu notre serviteur en fait, bon, ben là, François, je vais te servir, tu peux me demander ce que tu veux, tu peux me prier et me demander tout ce que tu veux, que la vie soit belle, que la température soit belle, prie-moi pour que tu sois en santé, que tu sois riche, que tes enfants deviennent tous des chrétiens. Tu peux prie François, je vais tout te donner ce que tu veux, parce que je veux ton bonheur. Non. Mais il dit, j'ai un plan avec toi. J'ai un plan avec l'Église. C'est que l'Église me serve et glorifie mon nom parmi les nations et pour l'éternité dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Petits enfants, gardons-nous de l'idolâtrie. Gardons-nous de vouloir changer la raison que Jésus est venu sur la terre. Et gardons-nous, bien entendu aussi, de changer ce qu'il est, Fils de Dieu, Christ, Messie, Sauveur du monde, venu en chair, ressuscité le troisième jour, revenant sur la terre, pour rebâtir un monde meilleur, un monde nouveau, qui va faire la gloire de Dieu pour l'éternité. Notre Père du ciel, garde-nous d'être des idolâtres. Merci de nous avoir donné l'intelligence pour connaître le véritable. Merci que nous sommes maintenant dans le véritable qui est Jésus, la vie éternelle. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc demain, il y aura encore une petite vidéo et je vais essayer de résumer la pensée du livre, de ce livre de l'Épître de Jean. Donc demain, il y aura encore un petit résumé qui durera peut-être pas 15 minutes, peut-être que oui, mais il y en a encore une vidéo qui va résumer le livre qu'on appelle l'Épître de Jean.